C'est votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant des séries qui vont commencer un peu partout dans le au niveau Bantam et Junior. D'abord, ce soir, les Rapides de Boumsassi affrontent les Hurricanes de Masuyash. Hier, on a parlé avec l'instructeur-chef des Rapides, qui s'appelle Sébastien Godette. Sébastien Godette qui se dit confiant à la part des séries pour les Rapides. C'est sûr qu'on rentre dans cette série-là, je te dirais, on fait figure de négligé. C'est eux autres la troisième position. Mais écoute, on est positif face à cette série-là. Mes petits gars, c'est des travaillants, c'est des gars qui abandonnent pas. Puis même si on est les négligés là-dedans, on va tout donner à partir de la fin de semaine pour aller chercher cette série-là. Dans un deuxième temps, Sébastien Godette mentionne qu'il faudra faire les petites choses pour battre les Hurricanes. Ben, ouais. Effectivement, c'est ça. Il va falloir, comme je dis souvent aux gars, bien faire les petites choses, être capable de se sacrifier pour l'équipe, parce que toutes les petites choses vont être importantes. Si ferme la ligne bleue, il va falloir peut-être domper dans le fond, aller la chercher, être premier sa rondelle. Tu sais, c'est des clichés de hockey, Danny, mais c'est ça. Il faut, comme je dis, se sacrifier pour l'équipe, puis travailler. Une surprise, les Sabres de Roberval ont défait les Aiglons d'Alma lors de la quart de finale de la Ligue Junior Régionale. En entrevue sur les ondes de danazosport.com hier, l'instructeur-chef des Sabres, Guillaume Gay, a mentionné qu'il a été clair avec les joueurs dès qu'il a pris la direction des Sabres qu'on oubliait ce qui s'était passé en première moitié de saison et on se concentrait sur les séries éliminatoires. Tu t'es parlé là, peut-être deux mois, là, j'avais dit aux joueurs qu'on effaçait tout ce qui s'était passé auparavant. Qu'on allait de l'avant, puis que moi j'étais là pour finir l'année, puis qu'on faisait ça pour l'amour du hockey, en gros, là, s'amuser. Le gars avait perdu le fun pas mal de jouer au hockey aussi. Fait que tout est revenu dans l'ordre, puis les gars ont commencé à travailler très fort, puis comme une nouvelle saison en fait. Là. Fait que ça a quand même très bien terminé, puis en série contre les Adelons, ça a bien été également. C'est sûr que Guillaume Guy reconnaît que les Marquis, ça représente un beau défi pour son organisation. Oui, les Marquis, c'est sûr que c'est une machine qui est bien huilée. Ils ont perdu seulement 4 défaites, 4 matchs cette saison. Vu comme ça, c'est sûr que la tâche s'annonce énorme. Il faut les battre 4 fois dans un 4 défaites. Mais moi, j'y crois. Quand t'es négligé, c'est toujours un petit peu moins de pression. Ben oui. Je sais qu'il y a quand même plusieurs, il y a des équipes qui nous respectent quand même depuis notre fin de saison, là, qui nous respectent quand même beaucoup, là. Voient en nous une bonne opposition. Aujourd'hui, à soir, on a une pratique, là, qu'on va travailler fort sur ce système, là, puis on va changer des choses pour être prêt pour affronter une machine de hockey comme les Marquis, là, qui sont dirigés par Bob Desjardins également, là. C'est sûr que c'est une équipe que je pense qui ont gagné les séries 5 ans dans les 7 dernières années. Fait que c'est une équipe avec d'expérience puis qui savent gagner. Puis j'ai bien hâte, ça va être un défi pour moi, c'est sûr, d'affronter un entraîneur de la trame de Bob aussi. Dans un dernier temps, Guillaume Gay mentionne évidemment qu'est-ce qu'on doit faire pour battre les Marquis de Jonquin. Environnement aussi, là, surtout dans notre zone. Là. C'est pas mal les deux grosses tâches qu'on va se donner. Je te dévoilerai pas tout, là, parce que des fois... le mot se passe. Fait que non, c'est surtout les revirements, là. C'est là-dessus qu'on a travaillé beaucoup, là, dans les derniers mois, là. On faisait beaucoup de revirements dans notre zone. Les gars étaient pas assez stiff, là, comme on peut dire. Mais là, les gars sont sur la tâche, puis les gars, ils croient. Quand les gars, ils croient, tu peux quand même te rendre assez loin, même causer des surprises, là. C'est ce qu'on s'attend, fait qu'on va travailler fort, puis il arrivera ce qui arrivera. Daniel Lescoutimi, hier, en terminant, on a perdu 6-1 contre les Phoenix de Sherbrooke. Je vous invite à écouter la section entrevue de danadosport.com. On a parlé avec Stéphane Lebeau hier du sondage qui est sorti fait par l'Association des joueurs que Carey Price est le gardien le plus difficile à déjouer. On s'est également entendu avec Guillaume Gay des Sabres de Roberval. Et également, vous pouvez écouter d'autres entrevues dans la section entrevue de danadosport.com. Le sport local et régional à danradiosport.com, la référence du sport au Lac-Saint-Jean. On s'en occupe.